Chapitre 9. Les saints martyrs sont conduits au lieu du supplice. Préparatif. Concours des chrétiens. Paroles édifiantes des martyrs. On vint enfin leur dire que le lieutenant les attendait sur la colline où ils devaient consommer leur sacrifice. Ils se levèrent tous avec une prestesse qui surprit la foule immense qui était accourue. Et ils s'avancèrent gaiement vers la colline sainte. Le père Pasio, qui les avait précédés et qui avait arraché à Fasaburo d'Ono la permission d'exhorter les martyrs dans leur dernier moment, se trouvait près du lieutenant. Celui-ci, en voyant la joie et le bonheur avec lesquels les martyrs se rendaient au lieu du supplice, ne put s'empêcher de dire au père « Pourquoi sont-ils si contents à l'approche de leur supplice ?» Le père Pasio lui en donna le motif. « Ils ont raison, répliqua-t-il. Je ne voudrais pas cependant sacrifier ma vie sur une croix à cette fidélité aux devoirs religieux et à cette espérance. » Il était du nombre de ces malheureux desquels notre Seigneur a dit qu'ils ne peuvent croire parce qu'ils aiment la gloire du monde, qui offusque leur vue au point de ne pas voir combien les biens éternels l'emportent sur les vanités passagères de cette vie. Le père Pasio tâcha ensuite d'obtenir l'élargissement ou un délai pour le supplice de Sukesiko et de Faelante, qui ne se trouvaient pas sur la liste et que les gardes avaient, de leur propre autorité, arrêté en route. Mais Fasaburo d'Ono n'osa rien accorder, de peur de passer pour un fauteur des chrétiens ou pour un concussionnaire. Il fit même la remarque que tout autre officier aurait usé envers les martyrs de moins d'égard que lui. Durant cette conversation, tous les martyrs avaient été dirigés vers la sainte montagne. Paul Miki, en voyant la croix qui lui était destinée, se tourna vers les chrétiens qui se pressaient tout autour de lui et leur dit « Je suis arrêté pour avoir prêché la loi de Dieu. À votre tour, demeurez-y fermement attachés. Ne négligez pas les intérêts de votre salut éternel. C'est aujourd'hui fête de Pâques pour moi. Oh, quelle est grande la faveur que Dieu a daigné me faire !» Il répéta plusieurs fois ces paroles. Des Japonais et trois Portugais voulurent baiser ses vêtements. Il réprimanda les premiers. Et, ne pouvant s'exprimer en portugais, il se tira en rougissant en arrière vis-à-vis des autres, ne voulut se laisser toucher en aucune manière, et montra un grand mécontentement de ces marques de respect anticipées. Puis, adressant des avis spirituels et des paroles d'édification à ceux qui l'entouraient, il marcha en avant d'un pas assuré, avec un visage rayonnant de joie. Jean de Gotteau n'avait pas d'autre sentiment. Il le montra bien lorsqu'il aperçut son père qui était venu pour lui dire un dernier adieu. « Vous voyez, mon père, lui dit le novice, il n'y a rien qu'on ne doive sacrifier pour assurer son salut. »« Je le sais, mon fils, lui répondit le vertueux père, mais vous, soyez courageux maintenant et subissez généreusement la mort. C'est par fidélité à Dieu que vous mourrez. Votre mère et moi, nous sommes disposés à mourir, comme vous, pour Dieu, si c'est nécessaire. » Jean félicita son père et lui donna son rosaire béni. Puis, prenant le morceau d'étoffe dont il s'était couvert la tête durant le voyage, il pria son père de le remettre à sa mère comme un souvenir. Lorsque son père se fut retiré, le saint martyr vit un chrétien de sa connaissance. Il le chargea de saluer de sa part les pères de la compagnie, surtout le père Moréjon, son maître, et de dire à celui-ci que, grâce à ses conseils et à ses instructions, il avait atteint par la miséricorde de Dieu le bout de la carrière et remporté le prix. Jacques Kissaille était tout entier au bonheur qu'il avait de penser que, de portier d'une maison de la compagnie, il était devenu novice jésuite et que bientôt il serait martyr. Il ne faisait qu'en remercier Dieu. Un grand sentiment d'humilité l'animait en ce moment. Les chrétiens lui dirent que son sort était fort heureux et qu'ils le lui enviaient. En même temps, ils lui témoignèrent un respect extraordinaire dans leurs paroles. Kissaille leur répondit avec beaucoup de modestie et de simplicité qu'il était un grand pêcheur. Cela ne les arrêta pas. Ils lui demandèrent le morceau de linge qu'il portait attaché à la ceinture par manière de mouchoir, et ils laissèrent entendre que c'était pour le conserver comme une relique. Cette demande indiscrète le troubla. Il refusa avec indignation d'y satisfaire. Pour ne pas blesser davantage son humilité, on n'insista pas. Mais on lui enleva le mouchoir. Tous les martyrs se dépouillèrent de leur rosaire et de leur reliquaire, pour qu'ils ne fussent pas profanés après leur mort par les infidèles. Ils ne conservèrent que leurs médailles et autres objets de piété auxquels étaient attachées des indulgences. On arriva enfin à l'enceinte où les croix étaient couchées. Cette enceinte était gardée par des soldats armés de lances et d'arquebuses, se tenant à 7 ou 8 pas des croix et repoussant la foule. Les bourreaux et les deux pères, Rodriguez et Pasio, furent seuls admis à l'intérieur. Les martyrs, en faisant leur entrée, laissèrent éclater leur joie à la vue des croix. Le père Martin de l'Ascension chanta le Benedictus. Le père Pierre Baptiste était comme ravi en extase. Louis, enfant de 11 à 12 ans, chrétien depuis quelques mois à peine, demanda « Où est ma croix ?» Et dès qu'on la lui eut montrée, il y courut avec toute la vivacité qui lui était naturelle, comme à une partie de jeu, s'étendit sur le gibet et se mit à crier « Paradis, paradis !» Il y eut un moment où tout le monde était à genoux devant le père Pierre Baptiste pour recevoir sa dernière bénédiction. On vit aussi les martyrs se donner entre eux l'accolade fraternelle.